Les femmes pissaient du vinaigre et chiaient du poivre moulu. La salade serait bientôt faite si le cresson leur poussait au pied. Et après, il disait: oh, petit moulin, la fille, elle m'a craché. Ouais, le bulot.